الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Lors du dernier cours, on avait expliqué deux hadiths. Le hadith 202, le hadith 203, c'est ça ? Le hadith 202, qui est le hadith de Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, qui l'a appris. من؟ Tu l'as pris؟ نبيل حسن تفضل اخ عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشرة الأواخر قد أريد هذه الليلة ثم أصيبها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها بكل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة كان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أصب الماء وطين من صبح 21 رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. L'autre hadith, le hadith 203, le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui l'a appris ? Qui se porte déjà volontaire pour apprendre les hadiths de la semaine prochaine ? Nabil ? Qui d'autre ? Hassan ? Un troisième ? Hassan ? Deux ? Très bien. Déjà, on a trois options pour la semaine prochaine. Le hadith de Aïcha ? Qui l'a pris ? Tadal Hassan. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي أحسنت بارك الله فيك. الحديث 204 لم يفعل عائشة. طيب يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية عن نفسها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة، رواه مسلم. الترجيل تسريح الشعر. الحديث 204. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'elle peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était indisposée et que lui faisait l'i'tikaf dans la mosquée et elle était dans sa chambre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait sa tête. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tendait sa tête. Et dans une version, il ne rentrait à la maison que pour les besoins de l'être humain, rapporté par Muslim. Et dans une version, Aïcha radiallahu anha dit en parlant d'elle, « Je rentrais à la maison pour le besoin et « wal maridu fi » C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un malade chez elle, radiallahu anha, et qu'elle faisait l'i'tikaf et qu'elle sortait de la mosquée pour les besoins de l'être humain, et que dans sa maison il y avait un malade, elle ne demandait à son sujet qu'en marchant. C'est-à-dire qu'elle rentrait et ressortait, et pendant ce trajet, pendant cette allée-venue, elle profitait pour demander l'état du malade. Et l'on verra la signification exacte de cette parole de Aïcha radiallahu anha. At-tarjil, c'est le fait de peigner les cheveux. Qala Cheikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali, le sens général. اليهود يشددون في أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضاجعة بل يعتزلونها ويرونها رجسا نجسا، والنصارى على نقيضهم فلا يتحاشون عنها بل يعاملونها معاملة الطاهرة. أما الإسلام دين السماحة واليسر ودين العدل والتوسط، فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة، بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج. أما الجماع فحرمه لما فيه من الخبث الذي يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد إن قدر ولد في ذلك الجماع. لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره وتنظيف بدنه، وكان لا يخرج من المسجد لذلك، بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها، فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك. فالاعتكاف لزوم المسجد والخروج ينافيه. لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجة إذا اعتكفت، ومن اهتمامها بسرعة الرجوع يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسيه بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد. نعم. الشيخ البسام رحمه الله دي le sens général de ce hadith. Les juifs sont extrêmement radicales concernant l'état de la femme indisposée. Ainsi, ils s'éloignent complètement d'elle. et s'interdit ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé comme contact et le fait de dormir avec elle. Les Juifs, donc, s'éloignent de la femme indisposée et la mettent de côté car ils la considèrent entièrement comme impure. Les chrétiens sont à l'opposé des Juifs. Ils n'ont aucune retenue vis-à-vis de la femme indisposée. Au contraire, ils se comportent avec elle comme une femme pure. Quant à l'islam, la religion de la facilité, la religion de la justice et du juste milieu, l'islam considère la femme indisposée comme pure. À la fois, son corps est pur, sa sueur est pure, ses vêtements sont purs. Le croyant ne devient pas impur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hayyan wa la mayyita, ni de son vivant, ni après sa mort. Ainsi, il n'y a pas de mal à avoir des contacts avec la femme indisposée. Il n'y a même pas de mal à ce que son mari jouisse de son corps à condition de s'abstenir du rapport charnel. Quant à la relation intime, Allah Azza wa Jal l'a interdit, la relation entre l'homme et une femme, entre un mari et sa femme indisposée, car il y a de mauvaises choses qui découlent de cela. Cela peut porter préjudice au mari ou à la femme. Cela peut aussi porter préjudice à un enfant qui résulterait de cette relation. Pour cela que Aïcha radiallahu anha peignait et entretenait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était indisposée. Et le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam faisait l'i'tikaf dans la mosquée, cela ne l'empêchait pas sallallahu alayhi wa sallam de peigner ses cheveux et d'entretenir son corps. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas pour cela. Il ne sortait pas pour peigner ses cheveux ou pour entretenir son corps. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait sa tête à Aïcha radiallahu anha. Lui était dans la mosquée et elle était dans sa maison radiallahu anha. Car la maison de Aïcha radiallahu anha donnait directement sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son i'tikaf, ne sortait que lorsqu'il y avait un besoin. Le besoin de se nourrir, de boire ou de faire ses besoins ou autres. Ainsi, l'i'tikaf, la retraite pieuse, signifie le fait de rester dans la mosquée. Et sortir de la mosquée contredit l'i'tikaf. Pour cela que Aïcha radiallahu anha parle d'elle-même et disait qu'elle ne rentrait chez elle que lorsqu'elle avait un besoin. Elle ne rentrait chez elle lorsqu'elle faisait l'i'tikaf, car on a vu dans les hadiths précédents que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'i'tikaf après lui, qu'il autorisait à la femme de faire l'i'tikaf à la mosquée à condition qu'il n'y ait pas de fitna dans cela. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle faisait l'i'tikaf, elle ne sortait de chez elle que lorsqu'elle avait un besoin. Et parce que la retraite spirituelle était importante pour Aïcha radiallahu anha, et elle donnait de l'importance à cette adoration, eh bien, lorsqu'elle sortait, elle s'empressait de revenir et de retourner à la mosquée. De telle sorte que lorsqu'un malade était chez elle, elle ne s'arrêtait pas pour le consoler et pour lui remonter le moral. Mais elle demandait à son sujet et elle demandait sur son état alors qu'elle était soit en train de rentrer ou soit en train de sortir. ما يؤخذ من الحديث أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف. Ce qu'on retient du hadith, plusieurs choses. La première, que l'i'tikaf, la retraite spirituelle, n'interdit pas de se coiffer les cheveux, de se laver les cheveux et toutes les formes d'entretien. ثانياً إنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il n'y a pas de mal à toucher une femme indisposée et à jouir de son corps, hormis bien sûr le rapport intime. ثالثاً إن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. Troisièmement, que la retraite spirituelle ne peut avoir lieu que dans une mosquée. Et on a vu la semaine dernière que cette mosquée, il devait y avoir les cinq prières obligatoires. Et on avait dit que pour la prière de Jumu'ah, ce n'était pas une condition et que l'on pouvait faire à l'i'tikaf dans une mosquée lorsque les cinq prières y sont accomplies, même si la prière du vendredi n'y est pas accomplie. رابعاً إن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب. Quatrièmement, que celui qui fait l'i'tikaf, la retraite spirituelle, ne sort de la mosquée que lorsqu'il a un besoin, comme manger et boire. خامساً. Donc ici, Cheikh Al-Bassem donne des exemples, ce n'est pas exhaustif. Lorsqu'il dit boire et manger, ce n'est pas seulement que pour boire et manger. Celui qui a besoin de sortir pour faire ses besoins et que les sanitaires sont à l'extérieur de la mosquée, il a le droit de sortir dans ce cas. خامساً إن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجا. Cinquièmement, on retient de ce hadith que le fait de faire sortir une partie du corps de la mosquée n'est pas considéré comme une sortie. Le professeur Hassan a sorti sa tête, mais cela ne considérait pas, le professeur Hassan ne se considérait pas en faisant cela comme étant sorti de la mosquée. Car on a vu que sortir de la mosquée pendant l'i'tikaf contredit الاعتكاف. سادسا إن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوثه. Sixièmement, que la femme indisposée ne reste pas dans la mosquée afin de ne pas l'entacher. Et cela ne signifie pas qu'il n'est pas autorisé à la femme indisposée d'entrer. Ici, le cheikh a dit « yam tamkuth », le fait de rester à la mosquée. Le fait de rester, ce n'est pas comme le fait de rentrer. Une femme qui rentre et qui sort, ce n'est pas comme une femme qui reste à la mosquée. سابعاً إن من خرج لقضاء حاجة فليعود إليه سريعاً ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج. Septièmement, que celui qui fait l'i'tikaf et qui sort pour un besoin qui lui autorise de sortir de la mosquée, qu'il retourne à la mosquée rapidement et qu'il ne soit pas occupé par une raison autre que celle qui lui a autorisé de sortir, qui l'a autorisé de sortir. Lorsque tu sors de la mosquée, que tu fais l'i'tikaf, tu sors de la mosquée pour aller manger, par exemple, parce qu'il y a un restaurant à côté, donc tu sors pour manger. Ce qui t'a autorisé de sortir, c'est le fait de manger. Et donc tu dois t'empresser, une fois avoir mangé, de retourner à la mosquée, et ne pas être occupé par autre chose de rencontrer quelqu'un, par exemple, et de papoter avec lui, ou une autre raison qui ne t'aurait pas permis de sortir de la mosquée et de laisser ton i'tikaf. ثامنا إن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف. Huitièmement, on retient de ce hadith que le fait de toucher une femme sans désir, le fait de toucher sa femme sans désir, ne contredit pas et n'a pas d'influence sur l'i'tikaf. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a sorti sa tête, il était en contact avec son épouse Aïcha radiallahu anha. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد المئتين le 205e حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة رواه البخاري ومسلم. Le 205e hadith, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit: j'ai dit, ô envoyé d'Allah, j'avais fait le vœu pendant la jahiliya de faire l'i'tikaf une nuit, et dans une autre version un jour, dans la mosquée sacrée de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Aoufi bin Adrik, mets en application ton vœu. Et certains rapporteurs n'ont pas cité ni le jour ni la nuit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, il y a trois versions. Une première version où il n'est pas cité, c'est-à-dire j'ai fait le vœu de faire une retraite spirituelle dans la mosquée sacrée de la Mecque. Dans une autre version, une nuit. Et dans une autre version, un jour. المعنى الإجمالي نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم نذره. فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو إسلامه أمره أن يوفي بنذره. لأنه وإن كان عقده مكروها إلا أن الوفاء به واجب. Le sens général de ce hadith. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait fait un vœu lors de la période anti-islamique de faire la retraite spirituelle, l'i'tikaf, un jour ou une nuit dans la mosquée sacrée de la Mecque. Il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement de ce vœu. Et parce que il lui a été demandé de mettre en application ce vœu, que ce vœu afwan a été fait alors qu'il était mécréant ou après être musulman. Que veut dire cette parole de Cheikh Al-Bassam? Que Omar radiallahu anhu ait fait ce vœu lorsqu'il était mécréant ou pendant son islam. Ici, il fait référence, rahimahullah, à une divergence des savants sur le terme jahiliya dans ce hadith, période anti-islamique. Certains savants ont dit que c'était la jahiliya de la Mecque, c'est-à-dire lorsque l'islam n'était pas encore ancré à la Mecque. Et d'autres ont dit que c'était la jahiliya de Omar, lorsque Omar n'était pas encore converti. Et l'avis le plus prépondérant, wallahu a'lam, c'est que c'était avant que Omar ne se convertisse. C'est la preuve, c'est une version rapportée par l'imam Ad-Dara Qutni, que certains savants ont considéré cette chaîne de transmission bonne, que Omar radiallahu anhu a dit « wa ana mushrik ». J'avais fait un vœu alors que j'étais polythéiste. Et donc cette version nous amène à ce que le sens tende plus vers la jahiliya de Omar et non pas la jahiliya de la Mecque. Car si c'était la jahiliya de la Mecque, avant que l'islam ne pénètre et ne soit ancré à la Mecque, Omar radiallahu anhu était déjà converti. D'accord ? Omar était déjà converti avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait conquis la Mecque. C'est pour cela que Cheikh al-Bassam dit que son vœu a été fait lorsqu'il était mécréant ou pendant qu'il était musulman. Autrement dit, quels que soient les deux avis, le jugement est le même, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'accomplir et de mettre en application son vœu. Et ça, on l'avait vu dans la conférence sur le conseil aux convertis, qu'un converti qui avait fait un vœu avant sa conversion, il se doit, si ce vœu n'est pas une désobéissance à Allah Azzawajal, de le mettre en application après sa conversion. لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَقْدُهُ مَكْرُوهًا إِلَّا أَنَّ الْوَفَى بِهِ وَاجِبٌ. Et ici, Cheikh al-Bassam dit, car même si le fait d'avoir fait son vœu était détestable, sauf que le mettre en pratique est une obligation. Le mettre en application est une obligation. Que signifie la parole de Cheikh al-Bassam? Même si le fait d'avoir fait ce vœu était détestable. Il fait allusion à quoi? Est-ce qu'un polythéiste a le droit d'entrer à la Mecque, à la mosquée sacrée? Non. Donc le fait qu'un polythéiste fasse le vœu de faire l'i'tikaf dans la mosquée sacrée de la Mecque, c'est une chose qui est détestable. Inna al-mushrikeena najasun fala yadkhulu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Allah Azza wa Jalla interdit aux polythéistes et aux non-musulmans d'entrer dans la mosquée sacrée de la Mecque. Donc même si le fait d'avoir fait ce vœu et ce vœu était en soi une chose mauvaise, car Omar radiallahu anhu à ce moment n'était pas musulman, sauf que le fait de le mettre en application est une obligation désormais. C'est-à-dire, car il est maintenant musulman. Ma yu'khadhu min al-hadith. أولا وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'obligation de mettre en application le vœu, même si ce vœu a été fait pendant la mécréance. ثانيا إذا عين لاعتكافه المسجد الحرام تعين فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنها وكل مسجد فاضل يجزي عما دونه بالفضل. Deuxièmement, on retient de ce hadith que lorsque l'on fait un vœu de faire l'i'tikaf dans la mosquée sacrée de la Mecque, eh bien que le vœu doit se faire dans la mosquée sacrée de la Mecque et pas dans une autre mosquée. Par contre, si la personne fait le vœu de faire un i'tikaf dans une autre mosquée, a-t-il le droit de faire l'i'tikaf dans la mosquée sacrée de la Mecque? J'ai fait le vœu de faire l'i'tikaf dans la mosquée des Quevilliers. Est-ce que j'ai le droit de mettre en application ce vœu et de le faire, non pas à la mosquée des Quevilliers, mais à la mosquée sacrée de la Mecque? La réponse est oui. Car toute mosquée qui a du mérite suffit vis-à-vis des mosquées qui ont un mérite moindre. Laquelle des deux mosquées a le plus de mérite? Celle de la Mecque. Donc, le fait de faire l'i'tikaf à la mosquée de la Mecque, eh bien, est pris en compte et répond aux besoins de ce vœu, à savoir qu'initialement il était prévu pour être fait dans cette mosquée. وكل مسجد فاضل يجزي عما دونه بالفضل, que toute mosquée qui a du mérite, eh bien yujzi, je sais pas comment on pourrait traduire yujzi, suffit concernant une mosquée qui a un mérite moindre. ثالثا ان الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به. Troisièmement, que l'i'tikaf devient obligatoire lorsqu'il s'agit d'un vœu. On a dit que l'i'tikaf, le jugement, c'était le jugement général de la retraite spirituelle, c'est quoi? C'est autorisé, c'est obligatoire, c'est interdit, c'est déconseillé, c'est quoi? C'est conseillé. Le fait, l'i'tikaf en général, son jugement, c'est l'istihbab. C'est la recommandation. Est-ce qu'il est obligatoire de faire l'i'tikaf? Non, c'est recommandé. Par contre, lorsque tu fais le vœu de faire un i'tikaf, là, l'i'tikaf devient obligatoire. وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ وَبِهِ. Tu dois obligatoirement mettre en application ce vœu. رَابِعًا وَرَذَا فِي الْحَدِيثِ نذر ليلة وورد يوما وورد مطلقا فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملهما جميعا اشترط الصوم في الاعتكاف وهما قولان للعلماء والأحوط الصيام معه. Quatrièmement, il était rapporté dans ce hadith le fait d'avoir fait le vœu de faire l'i'tikaf une nuit, il a été rapporté de faire l'i'tikaf un jour, il a été rapporté de faire l'i'tikaf de façon indéfinie. Ceux qui ont pris en compte la version de faire l'i'tikaf une nuit ont vu dans cela une preuve qu'il est autorisé de faire l'i'tikaf sans être en état de jeûne. Et ça, on a vu ça la semaine dernière. Est-ce que l'i'tikaf doit être fait en état de jeûne ou non? Et on a vu que l'avis le plus prépondérant était que, qu'il était recommandé que l'i'tikaf soit fait en état de jeûne. Ceux qui ont pris la version de Omar, comme quoi il avait fait le vœu de faire un i'tikaf la nuit, une nuit, c'est une preuve pour eux en disant le fait de faire l'i'tikaf la nuit est une preuve qu'on peut faire l'i'tikaf sans être en état de jeûne, car on ne jeûne pas la nuit. Et ceux qui ont pris en compte la version du jour ont dit que le fait de jeûner est une condition pour la validité de l'i'tikaf. À la kulli hal, ce sont deux avis des savants. Et Cheikh Al-Bassam dit, est le plus sûr, yani celui qui est le plus prudent, Al-Ahwat, c'est le fait de faire l'i'tikaf tout en jeûnant. Et on va terminer avec le dernier hadith, le 206, qui est le dernier hadith du chapitre de As-Siyam, et du livre du jeûne et du chapitre de l'i'tikaf. قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس بعد المئتين le 206e حديث عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا رواه البخاري ومسلم وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه رواه مسلم. Selon Safiya bint Huyay radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf à la mosquée. Je suis venu lui rendre visite de nuit, une nuit. J'ai discuté avec lui, puis je me suis levé pour rentrer. Il s'est levé avec moi pour rentrer. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي بَيْتِ أُسَامَ بْنِ زَيْدٍ. Et sa maison était, ou sa résidence était dans la maison de Usama ibn Zayd. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, a habité par la suite dans la maison de Safiya. Pour cela que, au moment où ce hadith a été rapporté, le rapporteur dit que la maison de Safiya, à l'époque, c'est la maison de Usama ibn Zayd actuellement. Il ne faut pas comprendre qu'elle habitait avec Usama ibn Zayd, mais que Usama ibn Zayd a habité par la suite dans la maison qui était à Safiya bint Huyay auparavant. Deux hommes parmi les Ansar sont passés. Et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accéléré le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit doucement, c'est Safiya bint Huyay. Ils ont dit, gloire à Allah ou envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le diable parcourt le fils d'Adam comme le sang. Comme il parcourt le fils d'Adam comme le sang parcourt le corps du fils d'Adam. Et j'ai eu peur que le diable inculque dans vos cœurs un mal ou une chose. Et dans une autre version, que Safiya radiallahu anha est venue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait sa retraite spirituelle à la mosquée pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Elle a discuté avec lui à un moment, puis s'est levée pour repartir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour repartir avec elle jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à la porte de la mosquée au niveau de la porte de Umm Salama radiyallahu anha. Cette version est rapportée par l'imam muslim. قال الشيخ البسام رحمه الله الغريب حيي بضم الحاء وهو ابن أخطب اليهودي زعيم بن النضير قتل مع بني قريظة صبرا ليقلبني بفتح الياء وسكون القاف ليردني ويرجعني إلى منزلي ثالثا في بيت أسامة نسب البيت إلى أسامة فإنه صار له بعد ذلك رابعا على رسلكما بكسر الراء أي على هينتكما أي تمهلا ولا تسرعا خامسا فقالا سبحان الله تسبيح ورد مورد التعجب. حيي صفية بنت حيي كي حيي سي ابن الأخطب اليهودي حيي ابن الأخطب اليهودي le juif qui était le chef de la tribu de Banu Nadir. Ainsi, le père de Safiya radiallahu anha était juif. Il a été tué avec la tribu de Banu Quraydata. Wa qutila sabran. Et lorsque l'on dit qutila sabran, c'est-à-dire qu'il n'a pas été tué lors d'une bataille, mais il a été fait prisonnier, puis il a été exécuté. Notamment lorsque la tribu de Banu Nadir ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ceux qui ne voulaient pas quitter, car parmi le pacte qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et notamment la tribu de Banu Nadir, que celui qui rompait le pacte devait quitter Médine. Et ainsi, ceux qui refusaient de quitter Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer les hommes qui avaient la possibilité de combattre. Et c'est ainsi qu'a été tué Huyay ibn Akhtab. Liyaqlibani. Puis je me suis levé et le professeur Hassam s'est levé avec moi. Liyaqlibani, c'est-à-dire pour m'accompagner lorsque je retournais chez moi. Fi bayti Usama, dans la maison de Usama, que la Cheikh al-Bassam dit que la maison a été attribuée à Usama car elle lui a appartenu par la suite. Donc la maison qui auparavant était à Safiya est devenue par la suite la maison de Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma. Ala rislikuma. Lorsque les deux hommes parmi les Ansar ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont accéléré le pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ala rislikuma, c'est-à-dire apaisez-vous et ne vous précipitez pas. Faqala subhanallah, et ils ont dit subhanallah ya rasulallah. Ils ont dit subhanallah pour quelle raison? En guise d'étonnement. Pour ça que la sunna, c'est de dire subhanallah lorsqu'on est étonné. Pourquoi ils étaient étonnés? Ils étaient étonnés que le professeur Hassam leur dise innaha Safiyatu bintu Huyay. Ils étaient étonnés que le professeur Hassam leur dise que c'est Safiya. Autrement dit, comment est-ce qu'ils auraient pu penser du mal du professeur Hassam ou penser que le professeur Hassam était avec une autre femme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec sa fille à quand? De jour ou de nuit? De nuit. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les lampadaires, etc. dans les rues. Donc ainsi, le fait qu'il y ait cette obscurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré éloigner tout doute. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة ولذا فإن زوجه صفية رضي الله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة ثم قامت إلى بيتها فلما جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم وجبر القلوب قام معها ليشيعها ويؤنسها من وحشة الليل وفي أثناء سيره معها مر رجلان من الأنصار فاستحييا أن يسايرا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله فأسرع في مشيهما فقال لهما تمهلا ولا تسرعا فإن التي معي زوجي صفية فتعجب وكبر عليهما ذلك وقال سبحان الله كيف تظن يا رسول الله أننا نظن شيئا فأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وله قدرة عليهم عظيمة فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله وخفي مسالكه أعاذنا الله منه بحمايته آمين. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et pendant sa retraite spirituelle, sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloignait et coupait sa relation avec les gens, sauf quand il y avait un besoin. Pour cela que son épouse, Safiya radiallahu anha, est venue lui rendre visite une nuit. Elle a discuté avec lui un moment. Lorsque l'on dit « haddathat sa'atan », ce n'est pas, elle n'a pas parlé une heure, temps chrono, non. Lorsque l'on dit « sa'a » en arabe, c'est un laps de temps. Elle a parlé avec lui, elle s'est entretenue avec lui un moment. Puis elle s'est levée pour retourner chez elle. Et parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui a donné un noble comportement et lui a donné une immense douceur et une grande gentillesse, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé avec elle afin de l'accompagner et d'être à ses côtés afin qu'elle n'ait pas peur de l'obscurité. Et pendant son trajet avec elle, sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes parmi l'Ansar sont passés. Et ils ont eu honte de passer à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était accompagné de sa femme. Ils ont donc accéléré le pas. Comme si deux personnes qui viennent derrière, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme, ils ne vont pas marcher à la même vitesse que le prophète Hassan et être au même niveau que lui et son épouse. Ils ont donc accéléré le pas pour ne pas, en guise de pudeur vis-à-vis du prophète Hassan et pour ne pas le contrarier, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Hassan leur a dit doucement, car celle qu'il y a avec moi est mon épouse Safiya. Ces deux hommes se sont étonnés. Et cela a été grand pour eux. Cette parole du professeur Hassan était grande. Et on dit, Subhanallah, comment peux-tu penser cela de nous, ô envoyé d'Allah? Et le professeur Hassan leur a alors informé qu'il ne pensait pas de mal d'eux. Mais il leur a informé que le diable s'efforce de dégarer et de détourner le fils d'Adam et qu'il a une grande capacité à faire cela car il parcourt le fils d'Adam comme le sang parcourt ses veines. Car le diable peut s'incruster et peut intervenir à n'importe quel moment. Et Allah Azza wa Jalla a fait du diable une épreuve et un examen, et le diable a ainsi la possibilité d'atteindre l'être humain, notamment dans les situations ou les endroits dans lesquels il y a une tentation pour cet être humain. Puis Cheikh Al-Bassem dit qu'Allah Azza wa Jal nous protège de lui. Amin. Ma yukhadu min al-hadith. Awalan mashru'iyatu li'tikaf. La siyama fil ashir awakhir min Ramadan. On retient de ce hadith qu'il est légiféré de faire à l'i'tikaf la retraite spirituelle, notamment lors des 10 derniers jours du Ramadan. Thaniyan, inna al-muhadathata al-yasirata la tunafi l'i'tikaf, khususan lil-maslaha, kamuanasati l'ahli mathalan. Deuxièmement, que le fait d'avoir une petite discussion ne contredit pas la retraite spirituelle, surtout lorsqu'il y a un besoin et un bénéfice dans cela, comme le fait de s'entretenir avec son épouse, par exemple. Thalithan wa fihi husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alayhi wa sallam, idh anasaha thumma qama liyushayyi'aha ila baytiha. Troisièmement, le retient de ce hadith, le bon comportement dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa douceur et sa gentillesse lorsqu'il a consolé sa fille radiallahu anha puis s'est levé pour l'accompagner jusque chez elle. فَهَكَدَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّ الْمُسْلِمُونَ بِمِثْلِهَا دِهِ الْأَخْلَاقِ النَّبَوِيَّةِ الْكَرِيمَةِ. Ainsi, se doivent d'être dotés les musulmans d'un tel comportement prophétique et exemplaire. رابعا وفيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة لأن لا يظن به شيء هو بريء منه أي ينبغي التحرز مما يسبب التهمة. Quatrièmement, qu'il est demandé à l'être humain de dissiper tout ce qui pourrait susciter un doute le concernant, afin que les gens ne pensent pas de lui une chose dont il est innocent. Et également, l'être humain se doit de s'éloigner des causes qui sèment le doute. Donc il y a deux choses. La première, d'effacer ce qui sème le doute, ce qui pourrait semer le doute sur toi. Et deuxièmement, de s'éloigner des causes qui pourraient amener à ce que l'on émette des doutes à ton égard. Khamisan. Ici, on pourrait donner l'exemple, par exemple, et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Par exemple, une personne te mandate pour aller lui acheter une chose particulière. Tu acceptes et te donne l'argent. Tu vas acheter cet objet et tu lui rends. Tu lui rends la monnaie et tu pars. Est-ce que cette personne peut avoir un doute ou pas ? Elle peut se dire, très bien, il m'a ramené l'objet, il m'a rendu la monnaie, mais le problème c'est que je ne sais pas combien il l'a acheté. Peut-être qu'il l'a acheté moins cher et que normalement la monnaie doit être plus. Quelqu'un qui te mandate ainsi, tu lui rends son objet, tu lui rends sa monnaie et en plus tu lui donnes la facture. Comme ça, il n'y a pas de doute. Pour ça, le musulman doit toujours avoir cela à l'esprit, toujours faire en sorte de faire les choses carrées et tout ce qui pourrait être assimilé en mal ou tout ce qui pourrait susciter un doute te concernant alors que toi tu en es totalement innocent, eh bien il faut agir dans ce sens et ne pas dire tout le temps, mais de toute façon moi je n'ai peur que d'Allah, je ne crains qu'Allah, je lui ai rendu sa monnaie, je lui ai donné son objet, salam alaykoum, alaykoum salam, c'est d'Allah que j'ai peur, ce n'est pas de lui, et c'est Allah à qui je rends des comptes et ce n'est pas à lui. Oui, c'est vrai, c'est Allah à qui tu dois rendre des comptes, mais avais-tu l'occasion et avais-tu la possibilité de lui donner la facture pour justement éviter les problèmes ? Oui ou non ? Oui, donc fais-le. Tu as la possibilité, fais-le. خامساً إن الشيطان له قدرة وتمكن قوي من إغواء بني آدم فهو يجري منهم مجرى الدم قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم. Cinquièmement, que le diable a une capacité forte d'égarer le fils d'Adam. Il parcourt le fils d'Adam comme le sang parcourt ses veines. Ibn Daqiq al-Aid a dit, et ceci est d'autant plus recommandé et d'autant plus avéré concernant les savants et ceux qui sont pris comme des exemples. Qu'est-ce que veut dire cette parole ? Que plus la personne a de l'importance, plus les gens la prennent comme une référence, et bien cette personne se doit d'éloigner d'elle tout ce qui peut susciter le doute. Pourquoi ? concernant les savants. Car lorsqu'un doute est suscité sur un savant, les conséquences sont dramatiques. Et lorsque l'on parle injustement sur un savant, eh bien, souvent ce qui est voulu, c'est de détruire la religion. Pour ça, le fait que de critiquer les savants ce sont qui ? Ce sont les héritiers des prophètes. Donc, critiquer les savants revient à critiquer les prophètes, revient à critiquer la religion d'Allah, Azza wa Jal. Et bien sûr, on parle de critique infondée. D'accord ? Il n'y a pas un savant qui n'a pas fait d'erreur. Le seul qui n'a pas fait d'erreur, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais là, on parle bien des critiques injustifiées. Le fait de mentir sur les savants, de les critiquer à tout va, de façon injuste et de façon infondée, le fait de critiquer les savants de cette façon revient à critiquer la religion. Donc le diable va, de par le pouvoir qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, et de par la grande influence qu'il a sur l'être humain, va faire en sorte que les gens parlent sur les savants. Et plus ils vont parler sur les savants, et plus ils s'éloigneront de leur religion. C'est pour cela que, ici, Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, dit, et cela est d'autant plus avéré à l'égard du savant, à savoir que le savant doit faire attention, doit éloigner tout ce qui pourrait susciter le doute sur lui, et doit éclaircir toutes les zones d'ombre pour que les choses soient claires et pour que les gens puissent prendre de lui la science et puissent ainsi adorer Allah Azza wa Jal en toute clairvoyance. Et en de même pour ceux qui sont pris comme des exemples. D'accord ? Ils doivent faire plus attention que les autres. سادسا وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فإنه يعلم من ظاهر الحال أن رجلين لم يظن شيئا وإنما علم كيد الشيطان الشديد فخاف عليهما أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما. Sixièmement, le retient de ce hadith la gentillesse du prophète صلى الله عليه وسلم et son attention envers sa communauté, car l'on sait de ce qui apparaît de la situation de l'état de ces deux hommes qui ne pensaient pas du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accéléré le pas car ils avaient honte de passer à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de son épouse. Ils n'ont pas pensé du mal, mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît les ruses redoutable du diable, il avait peur que le diable leur insuffle une chose qui pourrait alors causer leur perte. Car prétendre cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendre qu'il était avec une femme avec qui il n'a pas le droit d'être, c'est de la mécréance. Et une personne qui prétend une telle chose, eh bien, court vers sa perte. سابعا قال بعض العلماء ومنه ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا عليه نفيا للتهمة. Septièmement, certains savants ont dit, et de ce hadith on retient qu'il est demandé au juge d'expliquer à celui qui l'a jugé les détails du jugement, surtout lorsque cela est subtil, afin d'éloigner toute accusation. Toute accusation de favoritisme, toute accusation de jugement injuste. Donc lorsque un juge donne le résultat de son jugement, lorsque cela est subtil, il se doit d'expliquer. Voilà, j'ai jugé ainsi car les preuves étaient cela, et en islam, la preuve est cela, donc le jugement est ainsi. La personne qui est jugée sait pourquoi elle a été jugée, et ainsi elle n'émettra pas de doute concernant le juge, est-ce qu'il a perçu un pot de vin, etc. etc. Thaminan, جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها إذا لم يثر ذلك شهوته المنافية للاعتكاف. Huitièmement, on retient ce hadith qu'il est autorisé au mu'takif de rester tête à tête avec son épouse et de s'entretenir avec elle à condition que cela n'éveille pas des désirs, ces mêmes désirs qui contredisent l'i'tikaf. Ces mêmes désirs qui contredisent l'i'tikaf est donc autorisé au mu'takif d'être tête à tête avec son épouse à la mosquée et de s'entretenir avec elle à condition qu'il n'y ait pas de fitna et que cela ne n'éveille pas en lui des désirs. Et bien sûr, à condition aussi qu'il n'y ait pas de fitna dans la mosquée. Alors, dans nos mosquées actuelles, les gens rentrent et sortent, et surtout pendant l'i'tikaf, les gens rentrent et sortent, et le fait qu'un mu'takif rentre dans une mosquée et voit une femme assise avec son mari peut le déranger et peut être pour lui une tentation. تاسعا قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس وما كان في ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤخذ به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الصنعاني والوساوس تطرق القلب فإن استرسل العبد معها قادته إلى الشك وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه. Ibn Dakhiq al-Aïd a dit, dans ce hadith, il y a une preuve qu'il faut combattre les pensées diaboliques que la personne pourrait ressentir dans son fort intérieur. Et que les pensées qu'il ne peut repousser, eh bien, elles ne sont pas prises en compte. Car Allah Azza wa Jalla a dit, « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ». Donc ici, il y a deux formes de pensées. Il y a les pensées qui émanent de la personne. Pour cela que le prophète a dit, « Iyakum wa dhan fa innahu akthabul hadith ». Prenez garde à la mauvaise suspicion, car c'est le pire des... C'est le plus mensonger des propos. Le fait de penser du mal de ton frère. D'accord ? Et cette mauvaise pensée, elle émane de toi. C'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne pense pas du mal de ton frère. Donc il y a des pensées qui émanent de la personne, et il y a des pensées extérieures, des pensées diaboliques, qui viennent et qui te frappent. Celles que tu ne peux repousser, c'est-à-dire que tu n'as pas, à la base, tu n'as pas demandé à avoir ces pensées-là diaboliques, mais elles sont venues à toi. Si tu n'as pas la possibilité de les repousser, alors... ce n'est pas un mal. Tu ne seras pas jugé sur cela, car Allah Azza wa Jalla dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ». Allah n'impose pas une âme plus que ce qui est dans sa capacité. Et l'imam al-San'ani rahimahullah a dit que les insufflations ou les pensées diaboliques frappent le cœur. Si le serviteur va dans leur sens, alors elles le conduiront au doute. Par contre, s'il les coupe par l'évocation d'Allah et la demande de la protection d'Allah Azza wa Jal, elle s'éloigne de lui et elle le quitte. Donc les pensées diaboliques, il y a trois cas de figure. Soit tu n'as pas la possibilité de les repousser. Dans ce cas, on a dit que ce n'est pas pris en compte. Deuxièmement, tu les suis et tu vas dans leur sens. Dans ce cas-là, elles vont t'amener jusqu'au doute. Elles peuvent amener jusqu'au doute, c'est-à-dire douter de l'islam, douter de la religion, douter d'Allah Azza wa Jal. Et si il arrête et stoppe ses pensées par l'évocation d'Allah, et la demande de la protection d'Allah, eh bien, elle le quitte. Et c'est ce que le musulman doit faire. Lorsqu'il a des pensées maléfiques, lorsqu'il a des pensées diaboliques qui surgissent dans son esprit, il doit s'empresser d'évoquer le nom d'Allah, de faire du dhikr et de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Et c'est notamment ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière, de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et de postillonner à trois reprises dans à gauche. Notamment aussi celui qui fait un cauchemar. Le professeur Hassan nous a enseigné de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » de postillonner et de changer de côté. S'il dormait sur le côté droit, alors qu'il dort sur le côté gauche et vice-versa. Ainsi se termine l'explication du livre du jeûne de Taysir al-Alam, de Umdat al-Ahkam. Ainsi également se termine le chapitre de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on commencera le livre du pèlerinage. Et ce sera le dernier chapitre, le dernier livre que l'on fera sur ce livre Taysir al-Alam. Et on aura terminé, Inch'Allah, ainsi le premier volume qui, quand même, contient presque 700 pages. On a ktafi bi hadha al-qad wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.